Banks, Banks, Banks, Banks! Annie. Rims on the beat. Écartez les pointeurs, les balances là. C'est le haut-parleur de la RUE. Je voulais vivre heureux, ils veulent me faire du mal. Pardonne-moi, maman, si je tire sur eux. On est arrivé là tout en gardant en tête qu'on avait Wellou. J'ai grandi près des rats, près des loups, près du chou, près du four pour multiplier mes sous. Une bécane, une maman qui chiale. C'est ton hall qui est criblé de balles. Y'a pas d'horaire pour faire du sale. Ton ADN est sur le sol. Mon équipe qui ouvre le bal et c'est la tienne qui manque de bol. Méfie-toi des autres, la plupart sont sournois. On le faisait déjà, les autres bandés sur nous. On sortira numéro 1 du tournoi. Cette année, c'est pour nous. C'est la jungle, pour manger faut tuer. Pour finir fortuné, je la vendais en début de matinée. J'ai enlevé la cagoule dans la soirée, tu sais même pas combien on a fait. Je vais les choquer comme une info, au bigot je donne pas trop d'infos. T'inquiète, le produit fait de l'effet, la voiture ouvre, ça fait ce qu'il faut. Bye bye Banks. Ketama, Marbella, Rotter, Malaga. Sport mes blédards pour mes haragas. Poto les épaves terminent à la casse. J'ai comment finissent les haggers, 70 kilos, j'ai dû faire au moins 100 bagas. Habitué, j'arrivais dans leur ville, la violence m'attendait déjà à la gare. Bildia, Moulaga, t'inquiète, les tarots ne bougeront pas. Lemon Ace, t'appelles Ace, le plus dur c'est pas de la vente mais de la Sheka. La cause à Nostra n'accepte pas la trahison, non. J'ai rodé quand t'es dans la ville à la recherche d'un bon plan. J'suis pas venu au monde pour te ressembler, j'veux savoir comment t'as fait pour faire autant de blé. J'suis tellement concentré sur l'oseille, j'vois des gros culs, j'm'arrête plus pour les contempler. À ce qui paraît, t'es chaud là-bas, mais on aime pas l'échec, déplacé par les pions. Ici t'es qu'un détail, on a vu plus chaud que toi courir comme du bétail, chassé par des lions. J'sais que mes séquelles m'éloignent de ma foi. J't'ai pas vu au rez-de-chaussée, j't'ai vu sur le toit. Le doigt avec lequel j't'éloigne de ma foi. C'est le même avec lequel j'peux tirer sur toi. Moi j'ai rien inventé, trop tenté de la rentrée, j'patientais, j'attendais la fortune, j'arpentais le bitume, j'remontais la pente, j'constatais l'argent, tu la sentais, le sais-tu, j'aurais dû profiter. Je m'en suis pas contenté, j'ai passé la trentaine. J'aurais pu faire comme toi, fréquenter des voyous par centaines et me vanter. Mais pourquoi je suis tenté, mais pourquoi je suis ganté. J'ai envie de le planter, donc je peux pas le fréquenter. Sinon c'est rifle, c'est bois d'art, c'est la santé. J'en ai marre de rapper, de fermer, d'éclapper. Ils savent déjà qui c'est, donc laissez-les chanter. Ketama, Marbella, Rotter, Malaga. Sport mes blédards pour mes haragas. Poto les épaves terminent à la casse. J'ai comment finissent les haggers, 70 kilos, j'ai dû faire au moins 100 bagas. Habitué, j'arrivais dans leur ville, la violence m'attendait déjà à la gare. Bildia, Moulaga, t'inquiète, les tarots ne bougeront pas. Lemon Ace, t'appelles Ace, le plus dur c'est pas de la vente mais de la Sheka. La cause à Nostra n'accepte pas la trahison, non. J'ai rodé quand t'es dans la ville à la recherche d'un bon plan. Babanks. Babanks. Tu l'attendais, tu l'as. Tiens, mais retiens bien ce qu'on te donne. 50K. Édition.